Trois hommes dans un bateau de Jérôme K. Jérôme. Chapitre 1er. Nous étions quatre. George, William Samuel Harris, moi-même et Montmorency. Réunis dans ma chambre, nous fumions et causions de nos misères physiologiques, bien entendu. Il est vrai que nous nous sentions plutôt patraques et cela ne manquait pas de nous inquiéter. Harris déclara qu'il éprouvait parfois de tels accès de vertige qu'il ne savait presque plus ce qu'il faisait, et George nous assura qu'il en allait de même pour lui, à cette différence près que lui ne savait plus du tout ce qu'il faisait. Chez moi, c'était le foie qui n'allait pas. J'en étais convaincu parce que j'avais lu une réclame pour un produit pharmaceutique contre le mal de foie. On y détaillait tous les symptômes susceptibles de vous apprendre que vous avez le foie détraqué. Je les présentais tous. C'est une chose des plus curieuses, mais je n'ai jamais pu lire ce genre de littérature sans être amené à penser que je souffre du mal en question sous sa forme la plus pernicieuse. Le diagnostic me semble chaque fois correspondre exactement aux symptômes que je ressens. J'ai toujours en mémoire cette visite faite un jour au British Museum. Je voulais me renseigner sur le traitement d'une légère indisposition dont j'étais plus ou moins atteint. C'était, je crois, le rhume des foins. Je consultai un dictionnaire médical et lus tout le chapitre qui me concernait. Puis, sans y penser, je me mis à tourner les pages d'un doigt machinal et à étudier d'un œil indolent les maladies en général. J'ai oublié le nom de la première sur laquelle je tombais. C'était en tout cas un mal terrible et dévastateur, mais avant même d'avoir lu la moitié des symptômes prémonitoires, il m'a paru évident que j'en souffrais bel et bien. Un instant, je restais glacé d'horreur, puis dans un état de profonde affliction, je me remis à tourner les pages. J'arrivai à la fièvre typhoïde, m'informai des symptômes et découvris que j'avais la fièvre typhoïde, que je devais l'avoir depuis des mois sans le savoir. Me demandant ce que je pouvais bien avoir encore, j'arrivai à la danse de Saint-Guy et découvris, comme je m'y attendais, que j'en souffrais aussi. Je commençai à trouver mon cas intéressant, et déterminé à boire la coupe jusqu'à la lie, je repris depuis le début par ordre alphabétique, pour apprendre que j'avais contracté l'alopécie et que la période aiguë se déclarait dans une quinzaine environ. Le mal de Bright, je fus soulagé de le constater, je n'en souffrais que sous une forme bénigne, et pourrais vivre encore des années. Le choléra, je l'avais, avec des complications graves. Quant à la diphtérie, il ne faisait aucun doute que j'en étais atteint depuis la naissance. Consciencieux, je persévérais tout au long des 26 lettres de l'alphabet, et pour finir, il s'avéra que la seule maladie me manquant était bien l'hydarthrose des femmes de chambre. J'en éprouvais quelques dépits tout d'abord. Cela me paraissait tenir d'une injustice. Pourquoi n'avais-je pas l'hydarthrose des femmes de chambre? Pourquoi cette restriction? Mais au bout d'un moment, je me montrais moins exigeant. N'étais-je pas atteint de toutes les autres maladies connues de la pharmacopée? Je réfrénais mon avidité et résolus de me passer de l'hydarthrose des femmes de chambre. La goutte, sous sa forme la plus pernicieuse, semblait-il, s'était emparée de moi à mon insu. Et la zizomys, j'en pâtissais naturellement depuis mon enfance. La zimosis, d'ailleurs, clôturait la liste des maladies. J'en conclus qu'après elle, je ne pouvais plus rien avoir d'autre. Je restais là, pensif. Quel cas intéressant que le mien, d'un point de vue médical. Quel sujet d'étude pour un cours de médecine. Nul besoin aux étudiants de courir les hôpitaux. J'étais une compilation vivante de toutes les maladies. Il leur suffirait de m'étudier sous tous les angles et sous toutes les coutures, puis de passer tranquillement leur diplôme. Je m'interrogeai ensuite sur mon espérance de vie. Je tentai de m'examiner moi-même et pris mon pouls. Néant. Pas la moindre pulsation. Puis, tout d'un coup, il parut démarrer. Je consultai ma montre et chronométrai les battements. 147 à la minute. J'essayai alors de sentir battre mon cœur et ne découvris qu'un vide accablant. Il s'était arrêté. J'ai fini depuis par me dire qu'il devait sans doute se trouver là malgré tout et battre comme celui de tout un chacun, mais je n'en mettrai pas ma main au feu. Je me tâtai le devant du corps, depuis ce que j'appelle ma taille jusqu'à la tête, et fis une incursion sur les côtés ainsi que dans le dos. Mais je ne sentis ni n'entendis rien. Je me lançai dans l'examen de ma langue, l'attirant aussi loin que possible et fermant un œil pour l'examiner de l'autre. Je ne pus, hélas, en voir que le bout, et le seul bénéfice qui m'en échut fut d'avoir plus que jamais la conviction d'être atteint de la fièvre scarlatine. J'étais entré dans cette salle de lecture avec l'enthousiasme que confère la jeunesse et la santé. J'en ressortis tel un vieillard décrépit. J'irai consulter mon médecin. C'est un vieil ami à moi. Quand je me figure que je suis malade, il me tâte le pouls, me regarde la langue, et me parle de la pluie et du beau temps, le tout gratis. Sûr que je lui rendrai un fier service en allant le voir. Un médecin a besoin de pratique, me dis-je. Je me mettrai à sa disposition et il en retirera une expérience supérieure à celle de 1 700 malades réunis, de ces malades ordinaires qui n'ont qu'une ou deux maladies tout au plus. Je me rendis donc chez lui. « Eh bien, qu'as-tu donc ? » m'interrogea-t-il. « Tu sais, mon vieux, la vie est courte, et tu risquerais fort d'avoir achevé la tienne avant que j'aie fini de te raconter ce que j'ai. Je me contenterai donc de te dire ce que je n'ai pas. Je n'ai pas l'hydarthrose des femmes de chambre. Pourquoi cette lacune, je ne saurais l'expliquer. Mais le fait est là. Toutefois, je puis t'assurer que les autres maladies, je les ai toutes, de A à Z. » Je lui contai alors en détail comment je n'avais fait la découverte. Il me fit tirer la langue, y jeta un coup d'œil, me prit le pouls, m'asséna une claque dans le dos au moment où je m'y attendais le moins, ce que j'appelle un coup en traître. Puis y colla brutalement son oreille. Après quoi il s'assit, rédigea une ordonnance, la plia et me la remit. Je la fourrai dans ma poche et m'en allai. Je ne sortis l'ordonnance que pour la tendre au pharmacien le plus proche. Il la lut et me la rendit en s'excusant de ne pouvoir me satisfaire. « Vous n'êtes pas pharmacien ? » demandai-je. « Si, précisément, je tiens une pharmacie, mais pas un hôtel-restaurant. » me répondit-il. « C'est alors seulement que je lus l'ordonnance. Voici ce qu'elle prescrivait. Une livre de beefsteak plus une pinte de bière brune toutes les 6 heures. Une promenade de 15 kilomètres chaque matin. Coucher à 11 heures précises chaque soir. Et ne te bourre donc pas le crâne avec des choses qui te dépassent. » Je suivis les instructions. Résultat, ma vie fut sauve. Et cela dure toujours. Pour en revenir à la réclame des pilules pour le foie, j'avais dans ce cas précis, et sans aucun doute possible, tous les symptômes décrits, en particulier une répugnance générale au travail, sous toutes ses formes. Les mots me manquent pour dire mes souffrances sur ce plan. Dès ma première enfance, j'endurais le martyre. À l'école, cette maladie ne me quittait pas un seul jour. On ignorait alors que mon foie en était cause. La médecine était loin d'être aussi avancée qu'aujourd'hui, et on avait coutume d'accuser la paresse. « Quand vas-tu te secouer, satané petit fainéant ? « Aurais-tu l'intention de rester un bon à rien toute ta vie ?» me disait-on, sans savoir, bien entendu, que j'étais malade. Et au lieu de me donner des pilules, on me flanquait des taloches. Aussi étrange qu'il y paraisse, ces taloches sur la tête avaient sur moi un effet salutaire. Hélas, très éphémère. J'ai souvent vérifié qu'elles agissaient sur mon foie et suscitaient en moi le goût de la besogne avec une efficacité bien plus grande que ne le fait aujourd'hui toute une boîte de comprimés. Il en va souvent ainsi, voyez-vous. Les remèdes de bonne femme sont quelquefois plus efficaces que tous ces produits pharmaceutiques. Nous restâmes donc là, mes deux amis et moi, pendant une demi-heure, à nous décrire nos maladies respectives. J'expliquais à Will Amaris ce que je ressentais au lever, et William Harris nous entretint de ce qu'il éprouvait au coucher. Quant à George, il se livra sur le tapis à une démonstration de ce qu'il endurait la nuit. George, voyez-vous, s'imagine qu'il est malade. En réalité, il n'a rien du tout. George avait repris sa position assise quand Madame Poppets, notre logeuse, frappa à la porte pour savoir si nous désirions dîner. Nous échangeâmes tous trois des sourires tristes, et lui répondîmes que nous ferions l'effort d'avaler une bouchée ou deux. Harry s'ajouta qu'un petit quelque chose dans l'estomac tient souvent la maladie en échec. Madame Popes revint avec un plateau et nous nous traînâmes jusqu'à la table pour y grignoter un peu de rhum steak aux oignons et de la tarte à la rhubarbe. Je devais être très affaibli à ce moment-là, car il ne s'était pas écoulé une demi-heure que je n'avais plus aucun intérêt pour mon assiette. Fait exceptionnel en ce qui me concerne, et que j'allais même jusqu'à me passer de fromage. Ce devoir accompli, nous remplîmes nos verres, allumâmes nos pipes et reprîmes la discussion sur notre état de santé. En fait, aucun de nous ne savait ce qu'il avait ou n'avait pas. Par contre, nous avions tous la certitude que le mal, quel qu'il fût, était la conséquence du surmenage. « Ce qu'il nous faut, c'est du repos, » dit Harris. « Du repos et un changement complet, » affirma George. L'excès de travail imposé à nos ménages a entraîné chez nous une dépression générale de l'organisme. Le dépaysement et une bonne grève de notre matière grise auront au fait de nous remettre d'aplomb. George a un cousin qui s'inscrit toujours comme étudiant en médecine sur les fiches d'hôtel, d'où cette manière doctorale d'exposer les choses qu'il semble avoir hérité de famille. J'approuvais l'idée de George et suggérais que nous devions chercher un petit coin tranquille, loin de la foule déchaînée, où nous goûterions une semaine radieuse à flâner dans les ruelles paisibles, un trou perdu, protégé par les fées, à l'abri du tumulte du monde, quelques pittoresques nids d'aigle perchés sur les falaises du temps, où l'on n'entendrait plus qu'à peine, dans le lointain, battre les flots houleux de notre XIXe siècle trépidant. Harris déclara que nous sombrerions vite dans l'ennui. Il connaissait trop ce genre de patelin où l'on ne trouve plus un chat dans les rues passé 8 heures du soir, où il est impossible de se procurer, fût-ce à prix d'or ou d'argent, la moindre gazette du turfiste, et où il faut se taper 15 kilomètres ou plus pour bourrer sa pipe de son tabac favori. « Non, » dit-il, « quand on cherche le repos et le dépaysement, rien de tel qu'une croisière en mer. » Je désapprouvais fortement l'idée. Une croisière en mer n'a d'intérêt que si vous disposez de 2 bons mois, mais pour une semaine, c'est raté d'avance. Vous partez le lundi avec la conviction que vous allez bien en profiter. Vous saluez d'une main aérienne les amis restés sur le quai, allumez votre plus grosse pipe, et vous vous mettez à déambuler sur le pont comme si les âmes du capitaine Cook, de Sir Francis Drake et de Christophe Colomb réunis vous habitaient soudain. Le lendemain, vous regrettez déjà d'être venu. Le mercredi, le jeudi, le vendredi, vous souhaiteriez être mort. Le samedi, vous vous sentez en état d'avaler un peu de bouillon, de vous traîner jusqu'à une chaise longue sur le pont et de répondre avec un sourire pâle à tous les cœurs compatissants qui vous demandent si ça va mieux. Le dimanche, vos jambes vous portent à nouveau et votre estomac accepte une nourriture plus solide. Et le lundi matin, alors que valise et parapluie en main, vous vous tenez à la coupée, attendant de débarquer, vous commencez enfin à vous sentir le pied marin. Un jour, mon beau-frère fit une petite croisière en mer pour sa santé. Il prit une cabine aller-retour Londres-Liverpool. À l'arrivée à Liverpool, il n'avait plus qu'un désir, revendre son billet de retour. Ce billet, il l'offrit dans toute la ville avec une réduction formidable, et finit par le céder à un jeune homme au teint bilieux à qui son médecin avait justement recommandé l'air de la mer et de prendre de l'exercice. « Ah, l'air de la mer !» lui dit mon beau-frère en lui pressant affectueusement le billet dans la main. « Mon brave, vous allez en respirer pour le restant de vos jours. Quant à l'exercice, vous en prendrez davantage accoudé au bastingage que si vous faisiez des sauts périlleux sur le plancher des bâches. » Lui, mon beau-frère, s'en revint par le train et déclara à l'arrivée que, pour sa part, ce moyen de locomotion lui semblait parfaitement hygiénique. Une autre de mes connaissances partit pour une croisière d'une semaine le long de la côte. Avant le départ, le maître d'hôtel vint lui demander s'il préférait régler chaque repas séparément ou payer d'avance un prix forfaitaire pour les 7 jours complets. Il lui recommanda cette dernière formule comme beaucoup plus économique, car il serait nourri une semaine entière pour 2 livres et 5 shillings. Il y avait, dit-il, du poisson et du rôti au petit déjeuner. Le déjeuner était à 1 heure et ne comportait pas moins de 4 plats. Le dîner à 6 heures, avec potage, poisson, entrée, plat de viande, volaille, salade, entremets, fromage et dessert. À 10 heures enfin, une collation de viande froide. Mon ami, qui a un bon coup de fourchette, n'hésita pas, il régla le forfait. Le bateau venait de quitter Sheerness quand le déjeuner fut servi. Il n'avait pas aussi faim qu'il l'aurait cru, et il se contenta d'une tranche de bœuf bouilli et de fraises à la crème. Il eut matière à réflexion durant tout l'après-midi. Tantôt, il lui semblait n'avoir rien mangé que du bœuf bouilli pendant des semaines, et à d'autres moments n'avoir subsisté que de fraises à la crème depuis des années. Ni le bœuf, ni les fraises à la crème, du reste, ne faisaient réellement bon ménage. Il paraissait même tout à fait contrarié. À 6 heures, on vint prévenir mon ami que le dîner était servi. Cette nouvelle ne suscita en lui aucun enthousiasme, mais il songea qu'il devait en avoir pour son argent, et, agrippant cordage et main courante, descendit au restaurant. Une alléchante odeur d'oignons, de jambon chaud et de poisson frit l'accueillit au bas de l'échelle. Le maître d'hôtel accourut vers lui avec un sourire patelin et un « Que prendra, monsieur ?» déplacé. « De l'air, » répliqua mon ami d'une voix éteinte. « De l'air. » On l'emmena au plus vite sur le pont où on l'abandonna, penché par-dessus le bastingage. Les 4 jours suivants, il se contenta de simples biscuits et d'innocentes eau de sels. Mais vers le samedi, il reprit du poil de la bête et risqua un thé léger avec du pain grillé. Le lundi, il s'abandonna à une orgie de bouillon. Il quitta le bateau le mardi, et tandis que celui-ci s'éloignait du débarcadère, lui lança un regard lourd de regret. « Le voilà qui s'en va, » dit-il. « Il s'en va, et avec lui mes 2 livres de nourriture dont je n'ai même pas reniflé l'odeur. » Il prétendait que si on lui avait laissé 1 jour de plus, il se serait rattrapé jusqu'au dernier sou. Je m'opposais donc à la croisière en mer. Non, comme je l'expliquais, à cause de moi. Je suis insensible au mal de mer, mais je craignais pour George. Celui-ci rétorqua qu'il n'aurait aucun problème et qu'il aimait la mer. Toutefois, il nous conseillerait à Harris et à moi de n'y pas songer, car il était persuadé que nous serions malades. Harris déclara que, pour sa part, il n'avait jamais compris qu'on peut être malade en mer. Tous ces gens devaient le faire exprès pour se donner en spectacle, dit-il. Et il ajouta que malgré un sincère désir d'en faire l'expérience, ce genre de malaise lui était jusqu'alors resté inconnu. Puis il nous conta quelques-unes de ses traversées du Pas-de-Calais. Une fois, la mer était si mauvaise qu'on avait dû attacher les passagers sur leurs couchettes. Lui et le capitaine étaient les 2 seuls êtres vivants à bord qui ne fussent pas malades. Une autre fois, c'était lui et le second qui, toujours seul, avait tenu bon. C'était d'ailleurs la plupart du temps lui et un autre. Et quand ce n'était pas lui un autre, c'était lui, point final. Il est un fait curieux. Des gens qui ont le mal de mer, on n'en rencontre absolument jamais à terre. En mer, par contre, c'est par plein bateau, et des plus mal en point, qu'on les dénombre. Mais je n'en connais pas un seul à terre qui ne se prétendit à l'abri de cette calamité. Où ces multitudes de mauvais marins agglutinés le long des lisses de chaque bateau se cachent-elles une fois débarquées? Cela reste une énigme pour moi. Si beaucoup d'hommes étaient à l'image de ce citoyen rencontré un jour sur le bateau de Yarmouth, ce mystère cesserait facilement d'en être un. Nous croisions au large de la digue de Southend. Je me souviens, et il se penchait de façon très dangereuse par un des sabords. J'accourus à son secours. « Eh, ne vous penchez pas comme ça !» lui criai-je en le tirant par l'épaule. « Vous risquez de tomber à l'eau. » « Oh mon Dieu, cela vaudrait mieux !» fut la seule réponse que je pus obtenir, et je dus le laisser là. 3 semaines plus tard, je le revis dans le salon de thé d'un hôtel de Bath. Il racontait ses voyages et parlait avec enthousiasme de son amour de la mer. « Si j'ai le pied marin » s'écria-t-il en réponse à la question jalouse d'un aimable jeune homme. « Eh bien, je vous l'avoue, je me suis senti mal une fois. C'était au large du Cap Horn. » Le navire fit naufrage le lendemain. Je m'approchai. « Si je peux me permettre, » glissai-je, « il me semble vous avoir vu plutôt mal en point devant la digue de Southend. Vous en étiez à souhaiter vous noyer ce jour-là. »« La digue de Southend ? » s'étonna-t-il. Oui, en allant à Yarmouth, il y a 3 vendredis de cela. Oh, ah, oui, répondit-il rasséréné. Je me souviens à présent. J'avais effectivement la migraine cet après-midi-là. C'était à cause des cornichons, voyez-vous, les plus ignobles cornichons que j'aie jamais goûtés sur un bateau qui se respecte. En avez-vous mangé? Quant à moi, j'ai mis au point une méthode efficace contre le mal de mer, je me balance. Vous vous tenez debout au milieu du pont, et quand le bateau roule et tangue, vous suivez le mouvement de façon à rester toujours verticale. Quand la proue se soulève, vous vous penchez en avant, jusqu'à ce que le pont touche presque votre nez. Quand c'est la poupe, vous vous inclinez en arrière. C'est très bien pendant 1 heure ou 2, mais on ne peut décemment pas se balancer durant toute une semaine. George proposa, remontons la Tamise. Nous aurions du bon air, de l'exercice et du repos, affirma-t-il. Le changement constant du paysage occuperait nos esprits. Harris excepté, le malheureux a peu à s'occuper de ce côté-là. Ramer nous donnerait bon appétit et nous ferait bien dormir. Harris répondit qu'à son avis, George ne devrait rien faire qui risquât de le rendre plus endormi qu'à son habitude, car cela pourrait s'avérer dangereux. Il ajouta qu'il comprenait mal pourquoi George voulait dormir davantage qu'il ne le faisait déjà, compte tenu du fait qu'une journée ne comptait que 24 heures, été comme hiver, et que s'il y parvenait vraiment, il ne lui resterait plus qu'à trouver le repos éternel, ce qui lui économiserait ses frais de pension. Harris conclut cependant que ce détail à part, la Tamise lui irait comme un gant. À moi aussi, elle convenait parfaitement, et Harris et moi déclarâmes que George avait eu là une sacrée bonne idée. Nous fîmes cette dernière remarque sur un ton qui trahit un tant soit peu notre surprise. George se mettrait-il subitement à avoir des idées? Il n'y avait qu'un que la perspective n'emballait pas, c'était Montmorency. Montmorency n'a aucun penchant pour la Tamise. C'est bon pour vous, les gars, ronchonna-t-il, mais très peu pour moi. Le paysage n'est pas mon fort et je ne fume pas. Si je vois un rat, vous ne vous arrêtez pas, et si je m'endors, vous faites les idiots avec le bateau et je me retrouve à la flotte. Non, mais avis que voilà une idée parfaitement stupide. Mais nous étions 3 contre 1 et le projet fut adopté.